qu'il faille un certain courage pour rester chez soi, pour afficher sa paresse et son incuriosité de l'ailleurs, on le comprend. Par une étrange presbytie collective, ce qui est digne d'intérêt se trouve toujours loin, incapable que nous sommes de le voir dans les détails et dans les infinies subtilités que nous avons sous les yeux. Il faut supporter, stoïque, les regards apitoyés que l'on porte sur vous quand, de retour de congé, vous devez avouer que vous êtes resté toutes ces semaines à la maison, tandis que les autres se sont gavés d'images, de soleil, de bédouins et d'inuits, de souks et d'igloos, de papayes et de bananes cueillies sur l'arbre. Ici, le fleuve a poursuivi sa décrue, des bancs de sable sont plus nombreux, on a fait la cueillette des prunes sauvages et des mûres, c'est maigre. Cela fait peu à raconter, rien à montrer à celui qui, bronzé, rêve encore de sa pension complète et de la piscine d'eau de mer. Je continue. Oui, bien sûr, mais donc faut assumer, hein. Restant à mon point d'ancrage, je regarde s'agiter le monde. Ce qui me tient loin des ailleurs exotiques, une lente prise de conscience que le lointain n'est pas ma distance. D'ailleurs, je suis myope et ne vois pas plus loin que ma main. Le corps a souvent raison avant la tête. Faire et défaire la valise, s'escrimer sur des horaires de train ou d'autocar qui n'arrivent jamais, s'user les yeux à tout voir, empiffrer sa mémoire de souvenirs, se poser sans répit des questions qui ne trouveront pas de réponse, s'épuiser dans une langue qui gardera à jamais son mystère, tout cela, loin de m'enchanter, épuise les ressources fort limitées. La fatigue m'a fait abandonner la route. Je n'ai plus le courage de courir après l'eau. Je me contente de la regarder s'écouler. Ce n'est pas une défaite, plutôt un recentrage qui s'est effectué progressivement. Il faut un jour se débarrasser des vêtements qui ne vous vont plus. J'en ai terminé aujourd'hui avec les passeports, les aéroports et les guides touristiques.